بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأل جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه قال وقد حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس وتوقفنا عند هذا إذا نواصل دراستنا في هذا الكتاب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ولا ينبغي قال في كلام الله ورسوله إنما يستعمل أو يستعمل للذي هو في غاية الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان وقال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان ثنى عبد الله بن عمر الجعفي ثنى عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حزب الله وحزبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم اسمعوا الكلام هذا المؤلف يقصد زمانه في أيامه وانتبهوا إلى هذا القول وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم يعني في أيام الشيخ المؤلف وهو في القرن التاسع في وسط القرن التاسع الهجري قال وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقائل تلك الكلمة أنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أو مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يدي قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف الحق لأهلي. خرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال حديث صحيح. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحر فيه وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يكن بحقيقة قوله إياك نعبد. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى كلمة الإلهية. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمتي لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، والمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد. فنعيد الكلام، هذا كلام نفيس. قال فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمتي لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسيط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الإهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إلي وتدخل بي علي، فهو الغاية وهذه وسائل. وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إلي وتدخل بي علي، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه مخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابي واستباحة حريمي وموالي، هل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط؟ يعني هذا السؤال، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ هذا السؤال كذلك. قال وما السر في كونه لا يغفر ما بين سائر الذنوب، لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc sur cette partie, donc on s'arrête sur la lecture en arabe et on va reprendre la traduction. La traduction, lorsque l'auteur dit wa masarru fi kawnihi la yughfaru min bayni sa'iri dhunub kama qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. On s'arrête ici à ce passage, puisqu'ensuite l'auteur va vraiment détailler les deux formes de polythéisme. Une a été détaillée, il va détailler ensuite la deuxième. La deuxième dans, à travers une subdivision très pertinente, qu'on va laisser pour après. Donc là, on va revenir sur la traduction de ce qu'on a lu. Donc on continue. Alors la fois dernière, on s'est arrêté sur le passage où l'auteur, en quelque sorte, nous répond à une question qu'on peut se poser. Lorsque on avait conclu notre étude sur différents récits du prophète, où le noble prophète, que les prières et les bénédictions soient sur lui, nous enseigne et nous interdit de ne pas prendre les tombes comme mosquées et d'en faire des lieux d'adoration, de les prendre comme des divinités en dehors de lui. C'est-à-dire des lieux, soit de les prendre comme divinités en dehors de lui, ou bien d'en faire des lieux de prosternation, des lieux de prière, masjida, des mosquées. Donc, on avait appris l'interdiction de fonder, de bâtir, d'ériger des mosquées sur les tombes. Et l'auteur a, en quelque sorte, répondu à une question importante. Pourquoi le prophète, par exemple, a interdit d'adorer Allah en ces lieux, par exemple? D'adorer Allah en ces lieux. On avait dit, l'auteur dans un petit paragraphe, il stipule que le prophète a préservé les limites du monothéisme et du tawhid, pour préserver. Et pour cela, lorsqu'on regarde l'appel et la prédication, le message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète a obstrué toutes les voies qui mènent et conduisent au polythéisme. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour cela que on avait dit que, par exemple, le prophète sallam aussi, l'auteur fait allusion à cela, nous a interdit, par exemple, de prier lors du coucher du soleil, aussi du lever du soleil. Pourquoi ? Parce que cela, c'était la pratique des adorateurs du Shams, du soleil. Et nous, il nous est interdit de prendre le soleil, comme d'autres astres, par exemple la lune ou autre, comme adorer divinité et idole en dehors de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Pour ça, dans le Coran, Allah dit, ne vous prosternez pas pour le soleil. C'est pas en vain, pourquoi ? Puisqu'il y a des peuples qui se prosternaient pour le soleil, qui adoraient le soleil dans des temps anciens. Et Allah nous a interdit. Malgré, donc il nous a interdit de se prosterner pour le soleil, et le prophète nous a interdit de prier en ces moments. Les moments où, à l'époque, les adorateurs du soleil se prosternaient pour celui-ci. Même si on n'est pas présent, même si on n'assiste pas à ces cérémonies, même si, par exemple, on est chez nous, ou dans une mosquée, Fibet min buyutillah. Et c'est le moment, par exemple, d'interdiction. On appelle ça waqt an-nahy, le moment d'interdiction pour prier. Le musulman, la musulmane, dans la tradition musulmane, comme cela nous a été commandé par le messager d'Allah, ne prie pas dans ce qu'on appelle waqt an-nahy, awqat an-nahy, les temps d'interdiction. En l'occurrence, après salat al-fajr, salat al-subh. En l'occurrence, après salat al-asr. En l'occurrence, lors du coucher du soleil, comme on l'a dit précédemment, lors du lever aussi du soleil. Pourquoi le prophète, on avait dit, a interdit de prier Allah en ces moments-là? Pourtant, par exemple, même si on est dans une mosquée, il n'est pas bon, il est interdit de prier en ce moment-là. Pourtant, on n'assiste pas à la cérémonie, pourtant, on n'est pas des adorateurs. Le musulman n'est pas adorateur du soleil, mais le prophète l'a interdit. Pourquoi? Pour préserver les limites du monothéisme, pour ne pas justement ressembler aux adorateurs du soleil et qu'ensuite cela puisse mener et conduire ensuite la communauté et être adorateur d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples qu'a donné l'auteur pour nous prouver que le prophète sallam a préservé janib at-tawhid. Il préservait les limites et obstruait toute voie et tout moyen, chemin qui mène au polythéisme. Ensuite, l'auteur dit, et donc, wa amma sujud li ghayrillah. Maintenant, il cite une autre forme d'adoration. Il revient à la prosternation. La prosternation est une adoration, légiférée par le Créateur. Il dit en ce qui concerne la prosternation. Le prophète, ensemble, dans un récit, il dit « La yanbari li ahadin an yasjuda li ahadin illallah ». Le prophète, dans un récit, dit, je vais vous traduire littéralement, pourquoi ? Parce que la traduction littérale ici est très importante pour ce qui va suivre. Il faut qu'on traduise littéralement le terme « la yanbari », qu'on va traduire ici par « il ne convient pas ». Il ne convient pas. Dans un récit, le prophète, ensemble, dit « il ne convient pas à une personne de se prosterner pour une autre personne, si ce n'est pour Allah ». Traduction littérale du hadith. Donc le prophète a interdit en disant « il ne convient pas ». Mais littéralement, on entend « il ne convient pas pour une personne de se prosterner pour une autre personne si ce n'est pour Allah ». Il ne convient pas. « La yanbari ». Comme cela, nous on le traduit en français. Les spécialistes en la matière et ceux qui ont la connaissance des textes. Ceux qui ont la connaissance des textes. Ils disent lorsqu'il est dit dans le Coran « la yanbari », il ne convient pas. En réalité, cela est utilisé pour exprimer rayat al-mitinar. Vraiment, que la chose citée est formellement interdite. C'est une interdiction formelle. Malgré que on le comprend littéralement, ça veut dire layanbari. Layanbari. Mais dans les textes, lorsqu'Allah, dans le Coran par exemple, le terme on voit layanbari, l'interdiction, elle est formelle. Regardez par exemple la preuve à cela. Dans un verset, dans le verset 92 de la sourate Maryam. Maryam. Comme salam. Allah dit, il ne convient pas aux miséricordieux d'avoir un enfant ou de prendre un enfant littéralement. Il ne convient pas. C'est-à-dire que c'est rayat al-imtina'. C'est l'empêchement, il est formel. Rayat al-imtina'. Vraiment, Allah Azza wa Jalla n'a pas d'enfant. C'est pas possible. Allah n'a pas pris d'enfant. La yanbari, il ne convient pas pour le miséricordieux, Allah nous dit, d'avoir pris un enfant. Ou d'avoir un enfant. Il ne convient pas. C'est pour ça que l'auteur dit, rayat al-imtina'. J'ai dit la traduction formelle, non. C'est une traduction fausse. Rayat al-imtina'. C'est vraiment l'extrême empêchement. Littéralement. Dans le sens, ce n'est pas possible. Donc vous avez vu le sens de layanbari. Aussi dans un autre verset, Allah nous dit au sujet du prophète, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Et nous lui avons pas appris la poésie. Allah dit au sujet du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était injurié. Et les gens à son époque, pour discréditer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il injuriait et disait de lui que c'était un poète fou. C'était un shair. Et Allah nous dit que nous lui avons pas enseigné la poésie. Allah nous enseigne qu'il n'a pas enseigné la poésie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran n'est pas une poésie. Ce n'est pas un poème venant d'un homme. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » Et il ne convient pas à lui cela. « وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » Vous avez vu le terme « وَلَا يَنْبَغِي » C'est vraiment que c'est impossible. L'empêchement, il est formel. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ » وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ dans la sourate les poètes, le verset 210 et 211. Dans un autre verset, il est dit dans la sourate Al-Furqan, le verset 18, « Il ne nous convient pas de prendre des alliés en dehors de toi. » Il ne convient pas de prendre des alliés en dehors de toi. وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَا. Il ne convient pas qu'on prenne des alliés en dehors de toi. On voit que là, c'est rayat al-imtina'. Le croyant ne peut pas prendre des alliés en dehors d'Allah. Mais c'est le terme yanbari, la yanbari qui est mentionné. Vous avez vu, l'auteur a cité différents passages du livre saint, du noble Coran, pour nous prouver que le terme la yanbari, c'est rayat al-imtina'. On revient maintenant au hadith. C'est pour prouver que le hadith, lorsque le prophète sallam dit la yanbari li ahadin an yasjuda li ahadin. Il ne convient pas à une personne de se prosterner pour une autre personne si ce n'est pour Allah. Là maintenant, vous avez mieux compris le terme, il ne convient pas dans les sources religieuses. Comment comprendre l'ayanbari? C'est-à-dire vraiment, c'est rayat al-mitinar. Il ne convient pas dans le sens, il n'est pas possible. Il n'est pas possible que le croyant se prosterne pour un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wadih al-kalam. Donc là, c'est la première partie de ce qu'on a lu, de ce que veut dire l'auteur. Ensuite, l'auteur, regardez ce qu'il va dire. Et là, c'est très pertinent. On va maintenant, après qu'on ait parlé de forme de polythéisme à travers nos actes, à travers nos actes, l'auteur va citer des exemples de polythéisme à travers les paroles, à travers les propos. Et il dit, et fait partie de l'associationnisme, si on peut l'appeler de la sorte, du shirk, al-mubayyin liqawlihi ta'ala iyyaka na'bud, du polythéisme qui est contraire avec le verset iyyaka na'bud. Vous avez vu, on avait déjà dit dans les assises précédentes, le croyant, lorsqu'il dit iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, c'est comme s'il a un pacte et un engagement avec son créateur. Mithaq wa ahd, c'est toi que nous adorons, wahdaka la sharika lak, et toi seul, notre adoration est vouée qu'à toi seul, exclusive. Cette adoration, elle est pure et exclusive pour le créateur subhanahu wa ta'ala. C'est un engagement, on dit iyyaka na'bud, iyyaka wahdak, dans le sens, c'est toi et seul toi que nous adorons, iyyaka na'bud. Et là, l'auteur, il va nous citer des formes de polythéisme dans les paroles qui ne conviennent pas avec la parole iyyaka na'bud. Que celui qui dit c'est toi seul que nous adorons dans sa prière, fi surat al-Fatiha, il y a des propos qu'on ne peut pas dire. Puisqu'on dit iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et donc, il dit wa min ash-shirki billahi ta'ala al-mubayyin li qawlihi ta'ala iyyaka na'bud, et il dit, et parmi les formes d'associationnisme de shirk qui est contraire et qui ne convient pas avec iyyaka na'bud, qui contredit iyyaka na'bud, ash-shirku bihi fil lafz, il dit le polythéisme dans les propos et à travers les paroles. Et dit qu'al halifi bi ghayri. Et donc, écoutez bien, vous allez voir, c'est très pertinent. Ce que l'auteur est très instructif. Ce que l'auteur va citer, pourquoi? Parce qu'il va citer des exemples. Il va nous citer des exemples. Alors, il dit, parmi ses propos, par exemple, le fait de jurer et faire un serment par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'al halif bi ghayri. Comme c'est rapporté dans le hadith qu'a mentionné, qu'a recueilli et répertorié l'imam Ahmed dans son Musnad, et aussi dans les Sunan de Abu Daoud, comme il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un serment par autre qu'Allah, faqad ashrak, il a donné un associé au créateur. Il a fait un acte d'associationnisme. C'est du shirk. Et, pardon, ce hadith-là, il est jugé authentique par Al-Hakim wa Ibn Hibban. Et dans un récit, Ibn Hibban, il mentionne une chaîne de transmission. Il va mentionner un hadith, l'auteur mentionne la chaîne de transmission. Ibn Hibban dit « Akhbarana al-Hassan ibn Sufyan ». Donc d'après ses narrateurs. Il dit « Ibn Hibban nous a informé al-Hassan ibn Sufyan », un homme qui s'appelait Hassan, le fils de Sufyan, qui lui-même dit « nous a informé un homme qui s'appelait Abdallah ibn Omar al-Jafi », qui lui-même dit « nous a raconté Abdurrahim ibn Sulayman », lui-même qui dit « d'après l'homme qui s'appelait Hassan, le fils de Ubaydillah, al-Nakhai », qui dit « d'après un homme qui s'appelait Sa'd, le fils de Ubayda », qui dit « Kuntu inda ibn Omar », et cet homme, le dernier cité, Sa'd ibn Ubayda, un jour il dit « j'étais auprès de Ibn Omar », le célèbre compagnon Abdallah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, anhuma. Il dit, et un homme, halafa rajulun bil Kaaba. Et un homme a fait le serment par la Kaaba. Il a dit, je jure par la Kaaba. Et là, Abdallah ibn Omar, le compagnon, lui a dit, waihak la tafal, malheur à toi, ne fais pas cela. Fa inni sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yaqul, car j'ai certes entendu le messager d'Allah dire, man halafa bi ghayrillahi ta'ala, faqad ashrak. Celui qui jure par un autre qu'Allah, il a certes commis un acte de polythéisme. Il a fait du shirk. Et c'est comme si l'auteur, c'est très pertinent, il nous rapporte ce récit-là avec la chaîne de transmission pour nous donner un peu la cause, nous informer la cause de la parole de Abdallah ibn Omar. Pourquoi? Parce que dans le hadith précédent, il est cité de ce qu'a rapporté l'imam Ahmed ou Abu Daoud, que le messager d'Allah, sans ça, m'a dit, celui qui jure par un autre qu'Allah a commis du shirk. Et là, on a le hadith de Abdallah ibn Omar, mais avec un complément. Avec un complément, comme si ici on a as-siyaq, le déroulement, le contexte, la cause du hadith. La cause, ou cette cause ici que Abdallah ibn Omar enseigna ce hadith. Pas la cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais à l'époque de Abdallah ibn Omar, la cause qu'il l'a dit et qu'il l'a enseigné, par exemple, dans ce contexte et cette situation-là, dans cette circonstance-là, un homme avait juré sur la Kaaba. Et Abdallah ibn Omar lui a dit, ne fais pas cela. Car j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui jure par un autre que Allah a fait du shirk. Oh, que c'est répandu dans notre communauté. Oh, que nos jeunes, nos enfants, les jeunes musulmans, toute la journée, ils jurent. Et que c'est répandu dans notre communauté, sur la tête des parents, la tête des ancêtres, des grands-parents, même les parents sur leurs enfants, sur les enfants, sur les tombes, sur les générations. Pourtant, ce sont des bases élémentaires que doit connaître le musulman et la musulmane, de ne pas faire de serment, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les comportements aussi, que lorsqu'on fait un serment sur Allah azza wa jal, de faire des serments pour des choses importantes, des choses qui ont de la valeur. Pas de jurer par Allah azza wa jal pour rien, à tout moment, en toute circonstance, en toute situation. Mais le croyant, il jure par son créateur parce qu'il vénère son créateur. Et pour lui, son créateur, c'est ce qu'il a de plus cher. Donc lorsqu'il veut prouver quelque chose, il est dans une situation où il veut prouver sa véracité, qu'il dit la vérité, alors il va prendre ce qu'il a de plus cher, Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète, les polythéistes juraient sur Allat ou Al-Uzza, sur leur divinité, pour prouver qu'ils étaient sincères et véridiques. Pourquoi ? Parce que les gens savaient qu'à l'époque de l'Jahiliya, les gens, lorsqu'ils juraient par leur divinité, ils étaient véridiques. Ils ne pouvaient pas mentir, parce qu'ils vénéraient tellement leur divinité qu'ils ne pouvaient pas mentir. Et là, les gens doivent savoir que le musulman, le croyant, lorsqu'il fait le serment par Allah Azza wa Jal, vraiment là, il est véridique. Il ne peut pas mentir. Parce qu'il a pris celui qu'il a de plus cher, son adoré, celui pour qui il prie, il se prosterne, où il voue toutes ces adorations-là, il a fait le serment par son nom. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le serment par des choses infimes. Dans des circonstances ou des situations où il faut faire le serment, alors c'est légiféré, on jure par Allah Azza wa Jal. Mais ne pas jurer pour rien, en toutes circonstances, pour des choses sans valeur. C'est pour ça qu'il nous est rapporté de certains grands imams, comme il seul est attribué à l'imam Shafi'i, que certains, comme l'imam Shafi'i, il est dit qu'il n'avait pas fait de serment pendant 30 ans, tellement il préservait son iman, les serments. Comme cela, ceux qui vénèrent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas jurer, mais on jure, il faut jurer par Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « La tahrifu bi abaikum. » من حلف بالله او من حلف له بالله فليرضى او لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. Le prophète dit, ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui jure, qu'il soit véridique, et que celui à qui on fait un serment, qu'il accepte, car celui qui n'accepte pas, فليس من الله. Dans ce hadith, on a une information que celui qui dit wallahi, il doit être véridique, il ne peut pas mentir. Parce qu'Allah, c'est ce qu'il a de plus cher. C'est son adoré, son créateur. Il lui a donné existence alors qu'il n'existait pas. Il ne peut pas jurer et prendre, utiliser le nom de son créateur en disant « Wallah, au Tallah, au Billah » et il ment. Mais aussi, le prophète ensemble, lorsqu'il dit « Ne jurez pas par vos ancêtres » et que celui qui jure qu'il soit véridique, il nous dit « Par contre, celui à qui on fait un serment, il doit l'accepter. » Ça veut dire que même lorsqu'une personne nous dit « Wallahi, il nous jure par Allah Azza wa Jal », on ne discute pas. Il a pris le nom d'Allah Azza wa Jal. On ne discute pas. Il y en a qui ne connaissent pas, qui n'ont pas ce adab. On leur jure par Allah Azza wa Jal, on a pris ce qu'on a de plus cher. Notre adorant dit « Wallahi ». Et alors moi tu jures, qu'est-ce que ça me fait ? Ils disent. Normalement on entend le serment, on ne discute plus, on s'arrête. Après, certains savants, ils ont dit sur ce hadith, pour les savants qui l'authentifient, Ils ont dit ça, c'est lié au litige devant un juge. Devant un juge. Et d'autres savants considèrent que c'est plus général. Certains savants considèrent que ça, c'est lié au litige. Lorsque deux personnes sont dans un litige et ils sont devant un juge qui doit départager, alors l'un des tierces devra faire le serment. L'un des tierces, lui, devra ramener al-bayyina, celui qui accuse, il doit ramener les preuves, et l'autre, lui, devra faire al-yamin, il devra jurer. Pourquoi? Parce qu'al-bayyina al-muddai, celui qui accuse une personne, lui, il doit ramener ses preuves. Et celui qui est accusé, lui, jure. À partir du moment qu'une personne juge devant un juge, on doit accepter son serment. Ensuite, il y a des circonstances. Ça, c'est d'une manière générale. Ensuite, les savants expliquent. Ils disent, si maintenant, certes, on connaît une personne qui est célèbre, il est connu chez la masse, c'est avec cela qu'il s'est fait une autorité. Il est menteur. Il ment. C'est un menteur invétéré. Tout le monde le sait. Et c'est une personne qui est connue pour le mensonge. Et c'est une personne qui est connue pour jurer dans le faux et il ment. Ça, c'est autre chose. Mais lorsqu'on ne sait pas, il ment ou pas. Il n'est pas connu vraiment pour être un menteur invétéré. Il n'est pas connu pour cela. Et il nous fait un serment, on accepte. Dans le hadith, il est dit, Wa man lam yarda fa laysa min Allah. Wa man lam yarda fa laysa min Allah. Et celui qui n'accepte pas, fa laysa min Allah. Littéralement, je rentre pas dans la. Dans l'expérience, il ne fait pas partie d'Allah Azzawajal. Donc ça, c'est vraiment des comportements qu'on doit apprendre. Ensuite, l'auteur dit, il va nous donner d'autres formes de paroles. Wa min al-ishraki, et fait partie de formes de polythéisme, on est toujours dans les propos, dans les paroles. Wa qawlu al-qayl li ahadi min an-nas, ma sha Allah wa shi'it. Le fait de dire, ma sha Allah, si Allah veut, et toi. Le croyant, la croyante, le musulman ne disent pas ça. Les croyants ne disent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est confirmé qu'un jour, un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au messager d'Allah, aussi seulement tu le veux, toi, aussi seulement Allah le veut, et toi tu le veux. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il a dit, Aja'altani lillahi niddan, m'as-tu rendu semblable, égal à Allah? Dis plutôt si Allah veut seulement. Pourtant, c'est le messager d'Allah. Donc, si on ne peut pas le faire pour le messager d'Allah, alors après lui, on peut le faire pour personne. Donc, le musulman a dit, Masha'Allah, seulement. Wahdahu. Masha'Allah, wahdahu. Regardez, c'était des propos. Wahada ma'a anna Allah qad athbata lil 'abdi mashi'atan. En plus, l'auteur nous explique, en plus de cela, pourtant, Allah Azzawajal a confirmé que l'être humain, le serviteur, il a le libre arbitre, il a une volonté. On a la capacité de vouloir, de désirer. De vouloir. Lorsqu'il a dit, Masha'Allah wa shi't, ce que Allah Azzawajal veut et ce que tu veux. Pourtant, ce n'est pas faux. On peut vouloir. On peut vouloir. Regardez dans un verset, Allah dit, Liman sha'a minkum an yastaqim. Que celui d'entre vous qui veut, qu'il soit droit. Traduction littérale du verset. Regardez dans ce verset. Qu'est-ce qu'on comprend? Allah nous dit que celui d'entre vous qui veut, qu'il soit droit. Qui veut? Ça veut dire que Allah Azzawajal confirme dans le Coran pour l'être humain qu'il a une volonté. Il peut choisir. Allah dit celui qui veut, liman sha minkum, pardon, an yastaqim, qu'il soit droit. Donc l'auteur ici nous dit. Donc l'être humain a sa volonté, sauf que sa volonté, elle n'est pas mustaqilla. Dans le sens, elle n'est pas, il ne peut pas vouloir indépendamment de la volonté d'Allah. Istiqlal an bidunillah. L'être humain, Allah lui a donné le libre arbitre. Il lui a donné la capacité de choisir, de vouloir. Mais il ne peut pas vouloir une chose indépendamment de la volonté d'Allah. Quel est le sens de cela? Les savants nous expliquent ça, c'est les propos des savants. Ils nous expliquent que si l'être humain a la volonté et désire une chose, si Allah ne le veut pas, ça se passera pas. Par contre, si l'être humain veut une chose et Allah veut, alors ça se produit. Donc c'est pas indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais l'être humain a sa volonté. Il choisit. Il veut. Mais c'est pas indépendant ou indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Et dans un verset, une traduction relative, et vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah le veuille. Vous savez, cet univers, pour nous les croyants, pour nous les musulmans, c'est notre croyance. C'est le royaume d'Allah, Azza wa Jal. Il n'y a rien qui se passe dans son royaume sans qu'il le veuille. Parce que ça serait affirmer l'imperfection pour le Créateur. Et aussi, il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah, Azza wa Jal, sans qu'il le sache. Imaginez-vous un palais. Et on ne fait pas hacha, on ne fait pas de comparaison, mais c'est juste pour comprendre. Certains savants donnent des sortes d'exemples. Un roi dans son palais. Il y a des choses qui se passent dans son palais, il n'est pas au courant. Il ne sait pas ce qui se passe dans son palais. Il y a des choses aussi dans son palais qui se passent, il n'aura pas voulu que ça se passe. C'est indépendant de sa volonté. Ça, c'est une imperfection, un axe. C'est une imperfection. Ce roi, son pouvoir, sa souveraineté dans son palais, elle est limitée. Tandis que Allah, Azza wa Jal, sa souveraineté, c'est pour ça qu'on dit elle est absolue dans cet univers. Il n'y a rien qui se passe dans son royaume sans qu'il ait, il en a la connaissance. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Même pas une feuille qui tombe d'un arbre. Même pas les mouvements de poissons dans l'océan. Dans les abîmes des mers. Il n'y a rien qui lui échappe. Ce que vous pensez en vous-même, Allah Azza wa Jal le sait. Pas le shir de la confrérie. Pas le shir. Pas l'imam. Shir, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Parce que certains font peur aux adeptes, aux disciples. Dans une parole, ils disent, n'essaye pas de penser du mal du shir, car il le sera. Ça, c'est du shirk. Parce que ce qu'il y a dans les poitrines, personne ne le sait. Personne ne le sait. Seul Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les poitrines. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Allah Azza wa Jal, lui, en a la connaissance. Et c'est ça notre croyance. C'est ça la croyance au nom d'Allah Azza wa Jal, les noms sublimes et aux attributs de perfection. On croit en la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne dit pas « Masha'Allah wa shi'it ». Si par exemple, demain, cet exemple on peut le donner avec un exemple courant par exemple, une personne par exemple, on a rendez-vous demain, on se dit « à demain ». À la même heure, Inch'Allah, et je te dis, si Allah veut, si tu veux. Si Allah veut, et si tu veux. Le et, le wa, c'est comme si on met le serviteur au même niveau que Allah Azza wa Jal. Et à la base, le shirk, c'est quoi? C'est taswiya. C'est taswiya. C'est ça. Et pour mieux comprendre, فَكَيْفَ بِمَنْ يَقُولُ. L'auteur, après avoir cité cet exemple, il dit, et quel est le cas de celui qui dit, أَنَا مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ. Ça aussi. Et il dit, quel est le cas de celui qui dit, certes, je m'en remets complètement à Allah et à toi. التوكل. متوكل. متوكل à Allah, عز وجل. Mais les savants disent, on ne dit pas وَعَلَيْكَ. Je m'en remets à Allah et à toi. Et ils disent, on a donné un semblable à Allah. Dans les propos. Et c'est considéré du shirk dans les propos. Tant qu'il n'y a pas de conviction, c'est considéré comme un shirk mineur. Comme un shirk mineur. Comme les propos qu'on a cités précédemment. Ou bien, wa ana fi hasbillah wa hasbik. C'est dans le sens, hasbi Allah. Ikfini. Allah me suffit. Si par exemple je dis, Allah me suffit et toi aussi. Allah me suffit. On dit, fi hasbillahi wa hasbik. Allah me suffit et toi aussi. Pareil. On ne cite pas le waouh. Mais différemment, comme on le verra, si on cite avec, comme on verra dans ce qui va suivre, on dit d'abord, on traduit ce que dit l'auteur, « Wa ma li illallah wa ant » Et je n'ai qu'Allah et toi. « Wa hada min Allah wa mink » Et cela provient d'Allah et de toi. Tout ça, c'est des formes de paroles, de propos que le musulman ne dit pas. Même à travers nos propos, on ne donne pas d'égal et de semblable à Allah Azza wa Jal. Si on se prosterne pour un autre qu'Allah, on lui a donné un semblable. C'est pour ça que c'est du shirk. C'est, on lui a donné un semblable, un égal dans notre adoration, dans un acte. Ça, c'est donner un égal à Allah Azzawajal à travers les propos. Même si on n'a pas de conviction. Et d'ailleurs, du fait qu'il n'y a pas de conviction, c'est pour ça que c'est considéré comme un shirk al-asghar, comme un polythéisme mineur. Mais ce polythéisme mineur, le fait de jurer par un autre qu'Allah, le fait de dire Masha Allah wa shi't, le fait de dire Tawakkaltu ala Allah wa alik, par exemple, le fait de dire Hada min Allah wa mink, c'est du petit polythéisme. Et parfois c'est courant. Vous savez que c'est pire que les grands péchés capitaux. C'est pire que zina, ça. C'est pire que shabr khamar. Hada shirk. Wahad yahlif bi ghayrillah, il jure par un autre qu'Allah. J'aime pas ces mots parce que c'est des mots familiers. J'aime pas dire des mots comme ça dans la mosquée, mais c'est pour donner des exemples. Même la manière, elle est pas, c'est pas une bonne manière de s'exprimer, mais bon, certains le disent. Sur la tête de mes parents, sur la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants, sur la tombe de mon père. C'est pire que Zina. C'est vrai que certains ils ont du mal à concevoir cela. Mais c'est du shirk. Et shirk, akbar al-kaba'ir. C'est pire que les péchés capitaux. C'est pire que riba, que l'usure. On a du mal à concevoir cette chose. Mais on a donné un semblable à Allah Azzawajal. Lorsqu'on commet un péché, une personne qui boit un verre d'alcool, il n'a pas donné de semblable, il n'a pas fait du shirk. Il a suivi sa passion. Son plaisir plutôt. Son désir. Mais il n'a pas donné d'associé à Allah. Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Quelle est la preuve que le halif bi ghayrillah shirk? C'est pas les grands savants musulmans, les grands théologiens musulmans qui l'ont dit. C'est le prophète ensemble qui l'a dit. Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Ashrak. Il n'est pas dit faqad aznab. Ou waqa'a fi marsiya. Malgré que le shirk, c'est la marsiya. Il est dit shirk. Hatta ikhtalafa al-ulama. Fi ma'na al-aya. ليس ما اختلفوا في معنى الآية لكن اختلفوا هل الشرك المذكور في الآية يشمل الشرك الأصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به Satan ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. On est sûr que là, qu'on fasse du polythéisme, du shirk, Allah ne le pardonne pas. Ça, on est sûr que le grand polythéisme, c'est inclus. Mais les savants ont divergé sur est-ce que الشرك الأصغر, il est inclus. هل لا يغفر أي يشرك مصدر مؤول en arabe. On pourra dire لا يغفر الإشراك. Allah ne pardonne pas الإشراك, le polythéisme. هل هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر ou bien يشمل seulement الشرك الأكبر. Est-ce que ça sous-entend les deux formes de polythéisme ou bien juste le grand polythéisme? Mais le polythéisme ne rentre pas dans cela. Certains savants considèrent que c'est le grand polythéisme qui est sous-entendu. Le grand polythéisme est sous-entendu. Et d'autres savants considèrent que c'est aussi bien le grand que le petit. Aussi bien le grand pour le petit. Pourquoi? C'est par rapport au style de la linguistique arabe qui est utilisé. Il est dit dans le verset, c'est dans un contexte de négation. C'est qu'il y a un nafi. La, inna Allah, la yaghfiru an yushraka bih. Donc là, il y a une négation. Donc on est dans un contexte négatif. Et ayyushra kabi, c'est nakira. Il est nakira. Donc c'est un indéfini. Regardez, c'est vraiment, ça c'est des méditations, c'est des observations de spécialistes de la langue arabe, de grands théologiens de la langue arabe, comment ils méditent aussi les versets pour extraire des enseignements et des jugements. Alors ils disent, c'est un nakira, c'est un indéfini dans la langue arabe. Ayushrakabi, parce que c'est un masdar mu'awwal, on pourrait dire al-ishrakabi. Et donc ils disent, de là, il est dans un siyaq de négation, donc c'est al-umum, yufid, al-umum. Ça sous-entend une généralité. Ça sous-entend une généralité. Al-muhim, il y a deux avis. Entre des savants qui disent, non, c'est juste le grand shirk qui est considéré. Le petit shirk ne rentre pas dans cela. Allah peut le pardonner. Et d'autres savants qui disent là, al-shirk al-akbar wa al-asghar, ils sont compris dans ce verset. Un grand savant contemporain, lorsqu'il a expliqué cette question, il a conclu en disant, quoi qu'il en soit, selon l'avis des savants, des grands savants musulmans, que le petit shirk est compris dans le verset ou non. Quoi qu'il en soit, ça nous mène à avoir peur du shirk. C'est ça la conclusion. Parce que une grande partie de savants considèrent que même le petit shirk n'est pas pardonné. Donc ça pousse le croyant à avoir peur du polythéisme. Et ce qui prouve cela, l'ami intime d'Allah, Khalilullah, est-ce qu'on a le droit de le dire? Khalilullah, l'ami intime d'Allah, le prophète Ibrahim. On peut le dire. On peut le dire parce que c'est confirmé dans les textes. Dans une première génération, certains ensuite l'ont réfuté. Ils ont dit, on ne peut pas dire qu'Allah Azzawajal, il est un Khalil. Après, la traduction ami intime, ça c'est fi anadhar, une réflexion sur la traduction. Certains disent qu'on ne traduit pas comme ça. Le Khalil, ce n'est pas un ami intime. C'est un autre sens. Mais le Mouhim, on reste sur le terme arabe. Khalil. Khalil. Ibrahim, le prophète Ibrahim, c'était Khalilullah. Comme le prophète Mohammed aussi. Puisque le prophète Mohammed, dans un hadith, il dit qu'il était le Khalil Allah. Et si Allah l'avait pas pris comme Khalil, il aurait pris Abu Bakr comme Khalil. Mais regardez, même dans ça, du fait qu'il est Khalilullah, il peut pas prendre un autre Khalil. Subhanallah. Et regardez, le prophète Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, Khalilullah, il a une grande place. Pourquoi j'ai cité Khalilullah? Parce qu'il a une grande place auprès d'Allah. Abul Anbiya, le père des prophètes. Le père de Ishaq, de Yaqub, de Ismaïl. C'était le père de Banu Israël. Puisque Yaqub, il était surnommé Israël. C'est pour cela que la lignée d'Israël remonte au prophète Ibrahim. Et aussi Ismaïl, les Arabes. Les Arabes. Ismaïl fait partie des Arabes d'adoption. El-Muhim, juste le verset. Ibrahim a invoqué Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, Allah nous informe à son sujet. Il dit وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Il demande à Allah وَجُنُوبِنِي, éloigne-nous de l'adoration des idoles. C'est-à-dire que Ibrahim, il avait peur. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضل محمدا الذي وعد. Pour terminer, continuer et conclure, alors sur les expressions qu'on a citées que l'auteur ici dans son livre cite, par exemple, lorsque il dit on ne dit pas fi hasbillah wa hasbik, fi hasbillah wa hasbik, bimarna ana fi kifayatillah yakfini wa anta takfini, c'est dans ce sens-là. Dans le sens que Allah me suffit et toi aussi, tu me suffis. Mais Allah seul, subhanahu wa ta'ala, suffit aux croyants. Dans la parole, par exemple, هذا من الله ومنك, cela provient d'Allah et de toi. On ne le dit pas. Par contre, ici, les savants disent qu'on peut dire thumma. À la place de waw, on dit thum, puis. On ne dit pas eh. Cela provient d'Allah, puis, après. Puis, thumma en arabe dans le sens puis. Puis de toi, ça c'est permis. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de taswiya. Donc je dis par exemple, hadha min Allah, thumma minka. Ils disent que ce n'est pas du shirk dans les propos. On peut, le thum, on peut le dire pas waw, parce que le waw, il y a taswiya. Là, on donne à notre créateur un semblable. Mais si on dit waw, c'est permis. Hada min barakatillah wa barakatik. Hada la yuqal. Ça, ça fait partie de la bénédiction d'Allah et de ta bénédiction. Non. Hada barakatullah. Wahdahu la sharika la subhanahu wa ta'ala. Ou bien des paroles, il dit comme Wallahi li fi sama wa anta li fil ard. Allah est pour moi. Allah est pour moi aux cieux et toi sur terre. Hada aussi, c'est donner un semblable à Allah azza wa jalla. En ce qui concerne tawakkaltu ala Allah wa alayk, on a dit cela se dit pas wa alayk. Est-ce qu'on pourra dire thumma alayk, ça passe? Non. Là ils disent pour tawakkalt, on dit pas, on dit wakkaltuk. Mais on dit pas thum, certains savants eux considèrent pour tawakkalt, ça c'est que pour Allah. At-tawakkul ibada. Donc on dit tawakkaltu, on dit pas wa alayk, même certains savants considèrent on dit pas thumma alayk pour tawakkalt. Mais on dit wakkaltuk, je te mandate, je te délègue. Le fait de faire confiance à une personne et on le délègue pour une chose. Comme dit l'auteur du commentaire, il dit فَلَا يَجُزْ أَنَّكَ تَقُلْ مُتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَلَكِنْ يَجِبْ عَلَيْكَ أَنْ تَقُلْ أَنَا مُتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ وَلَا تَقُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ بَلْ قُلْ وَكَّلْتُكَ. Donc c'est bien parce que les savants dans leur explication, ils nous donnent al-badil. Et ça, c'est très important pour les grands théologiens, lorsqu'ils enseignent, ils donnent les solutions. Il n'est pas, il faut pas interdire les choses et on donne pas quelque chose en échange. Et ça, c'était dans la manière du prophète, ensemble. Lorsqu'il interdisait une chose, il donnait toujours al-badil. Il donnait une chose en échange à faire. Quand il dit, par exemple, ne dis pas si Allah veut et moi je veux, il lui a dit, mais qu'ul plutôt, qu'ul, mashallah wahda. Il lui a donné, il lui a expliqué la solution, qu'est-ce qu'il faille dire. Qu'est-ce qu'il faille dire? Ensuite, l'auteur dit. Regardez ce que va dire l'auteur. Après qu'on ait cité ces exemples. وَأَزِنْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ. Écoutez bien. الصَّادِرَةِ مِنْ غَالِبِ النَّاسِ الْيَوْمِ وَبَيْنَ مَا نَهَا عَنْهُ مِنْ مَا. La particule مَا. مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتْ ثُمَّ انْظُرْ أَيُّهَا الْأَفْحَاشِ أَيُّهَا أَفْحَاشِ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ قَائِلَهَا الْأَوْلَى أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. Regardez ce qu'il dit. L'auteur dit, si ces propos, vous avez vu les exemples qu'il vient de donner, on se dit c'est des exemples. Mais l'auteur qui s'appelait Taqiyuddin al-Maqrizi, c'est l'auteur de l'œuvre. C'est pour ça que j'avais bien stipulé. Il est mort en 854 de l'Égypte. Donc c'est un savant du mi-9e siècle. Mi-9e siècle de l'Égypte. Il dit que ces paroles-là qu'il vient de dire, c'est courant à son époque. Il parle des musulmans. Qu'à son époque, c'était courant. Subhanallah. Et il dit que, et ça c'était un savant qui était à l'époque en Égypte, et il dit que c'est courant, c'était courant. Et d'ailleurs, même son écrit, beaucoup dans son œuvre, dans son écrit, en réalité, il reprend des passages de grands savants dans leur livre, mais ne les cite pas. Parce qu'à son époque, il ne pouvait pas citer les noms de ces savants. À son époque. On s'imagine ici le contexte historique de l'époque, à la mi-9e siècle de l'Égypte. Et puis, il va dire donc, celui qui dit ces paroles, ça convient pas avec son engagement. Quel engagement ? Avec Allah Azza wa Jal, Iyaka na'bud. Lorsqu'on dit c'est toi que nous adorons. Iyaka na'bud wahdaka la sharika lak. C'est toi que nous adorons. Ensuite, l'auteur, regardez, il dit Wa bil jumlati al-ibadatu al-mazkuratu fi qawli Iyaka na'bud hiya as-sujud wa at-tawakkul wa al-inabatu wa at-taqwa wa al-khashya والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. Et on va se quitter avec une faïda. Avec une faïda, on va se quitter une très belle faïda. L'auteur ensuite nous cite donc des exemples d'adoration que notre Créateur a légiféré pour qu'on puisse l'adorer par ses adorations. Comme par exemple, il dit la prosternation, le fait de s'en remettre à lui, le fait de retourner vers lui, التوكل والإنابة, التقوى من العبادات, الخشية, التوبة, النذور, الحليف. Vous avez vu le حليف ? عبادة. التسبيح, التكبير. Vous avez vu le حليف ? C'est une adoration. Pour cela qu'on le fait que par Allah Azza wa Jal aussi. التكبير, التهليل, التحميد, التسبيح. كل هذه عبادات. ومنهن عبادة البدنية والقولية. Il y a des adorations qui sont des adorations du cœur, de liées aux paroles, liées au corps. Et là, les savants, lorsqu'ils parlent de l'adoration, il y a un très beau passage à méditer, qu'on va se quitter avec ce passage-là. C'est un très beau passage d'un savant qui a rédigé un poème, un long poème, qui s'appelle Nouniya. Et dans ce poème, il va définir qu'est-ce que l'adoration. Et c'était beaucoup repris par les grands théologiens musulmans, les grands savants musulmans, parce que ces quelques vers vraiment définissent qu'est-ce que l'adoration du Créateur. Et on va se quitter avec ça, et je me conseille à moi-même, et je vous conseille de bien méditer cette partie de poème, et même de l'apprendre. Même de l'apprendre, c'est très pertinent. Regardez, Sahib al-Nuniya, Allah wa huwa ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. Regardez ce qu'il dit. Il va définir l'adoration dans ses poèmes. قال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. C'est un très beau poème qui définit l'adoration. Je vous le traduis d'une manière littérale et on se quitte sur ça. Pourquoi c'est un beau poème ? Parce que dans ces trois vers, il nous explique c'est quoi l'adoration. وَنَحْنُ لِمَدَا خُلِقْنَا. Pourquoi on a été créé ? خَلَقَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لِعِبَادَتِهِ. الْغَيَةُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقِنَا. L'objectif de notre création, c'est l'adoration du Créateur. مَهِي الْعِبَادَ. Qu'est-ce que l'adoration ? C'est pour ça que c'est très important pour nous. Qu'est-ce que l'adoration ? Regardez ce qu'il dit. Je vous traduis littéralement en français. Lorsqu'il dit « وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَيَةُ حُبِّهِ » Il dit, une traduction relative, « L'adoration du miséricordieux, d'Allah Azza wa Jal, s'incarne dans l'amour extrême et dans l'humilité. » Dhul, en français, c'est une sorte d'humilité, d'humiliation pour notre adoré, pour Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, ici en fait il va citer les deux grands piliers de l'adoration. Rayatul Hub wa Dhul. Les deux piliers de l'adoration, c'est l'amour extrême de notre Créateur, d'Allah Azza wa Jal. Et Dhul, l'humilité, l'humiliation devant lui. Puisqu'en réalité on est faible. On est Raif, Du'afa. On n'est rien devant notre Créateur. On a besoin de lui. Personne ne se passe de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim, il dit, je reprends la traduction, l'adoration s'incarne dans l'amour extrême et dans l'humiliation. Tels sont les deux pôles autour desquels tourne le champ de la dévotion, qui repose sur l'établissement de ces deux pôles. Elle est pour pivot d'écouter l'ordre du prophète, non ses passions, ses penchants ou Satan. Voilà, je vous ai traduit de manière littérale les vers. Je vous le répète en arabe pour ceux qui veulent l'apprendre. وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ وَمَدَارِهِ بِالْأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ. Subhanallah. هذا الكلام نفيس جدا. On continuera inshallah l'explication de cela dans la prochaine assise. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala